إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فموضوع حديثنا في هذه الأمسية المباركة بإذن الله تبارك وتعالى حول موضوع عظيم جدا ومهم ذا أهمية وإن غفل عنها الكثير من شباب أيامنا هذه ألا وهو بر الوالدين والإحسان إليهما وأهمية توقير الوالدين وخطورة عقوقهما. Le sujet qu'on va entamer cette soirée, on implore Allah qu'il fasse de ce moment béni, concerne un sujet d'une très grande importance. Un sujet énorme et grandiose qui est la bonté envers les parents, la bienfaisance, le bon comportement envers les parents, la grande place qu'ont les parents et le danger et la gravité du manque de respect ou de la désobéissance des parents. Même si ce point a été négligé, ignoré par beaucoup de jeunes, surtout à notre époque. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال عز من قائل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الله ندي dans ces versets coraniques, dans le sens du verset « Et ton Seigneur a décrété, ton Seigneur a ordonné que vous ne devez adorer que lui seul et d'être bon envers les parents. » Allah, exalté soit-il, nous dit aussi, dans le sens du verset « Et adorez Allah et ne lui associez rien et soyez bon envers vos parents. » De même qu'Allah, élevé soit-il, nous dit, dans le sens du verset « Dit, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bons envers les parents. Inna haqq al-walidayn 'azim wa manzilatuhuma 'aliya fi ad-din. Fa birruhuma qarinu at-tawhid wa shukruhuma maqrunun bi shukri Allah tabaarak wa ta'ala. والإحسان إليهما من أجل الأعمال وحبها إلى الله تبارك وتعالى. Le droit des parents est énorme, grandiose. Ils ont une place élevée dans la religion. La bonté envers les parents vient juste après l'ordre du monothéisme, de l'adoration d'Allah seul sans rien lui associer. La reconnaissance envers les parents est liée à la reconnaissance qu'on se doit d'avoir envers Allah, exalté soit-il. La bienfaisance envers les parents fait partie des meilleures et des plus grandes œuvres et des œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة في وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. الحديث متفق عليه. D'après Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه qui dit j'ai questionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'œuvre la plus aimée d'Allah? Il répondit, alayhi salatu wa salam, la prière en son temps, de prier chaque prière en son heure. J'ai dit, et puis après, quelle est la meilleure œuvre aimée d'Allah azza wa jal? Il répondit, alayhi salatu wa salam, la bonté, la bienfaisance envers les parents. Le hadith rapporté par al-Bukhari et muslim. إن بر الوالدين مما أقرته الفطر السوية واتفقت عليه الشرائع السماوية وهو خلق الأنبياء ودأب الصالحين. La bonté envers les parents est un comportement reconnu de tous. Il est reconnu de par la saine nature sur laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a créé toute personne. La saine nature, lorsqu'elle est saine, lorsqu'elle est pure, lorsqu'elle n'a pas été entachée par une mauvaise éducation, une mauvaise doctrine. Et c'est un point sur lequel toutes les législations célestes sont d'accord. Tous les prophètes ont enseigné cela à leur peuple. Ils sont venus avec cette règle et cet enseignement que les enfants se doivent d'être bons et faire preuve de bienfaisance envers leurs parents. C'est aussi le comportement de tous les prophètes. Chaque prophète a eu le meilleur des comportements envers ses parents. Et c'est aussi la façon d'être des vertueux, les bonnes personnes. كما أنه دليل على صدق الإيمان وكرم النفس وحسن الوفاء. C'est aussi la bonté envers les parents, une preuve de la véracité de la foi. La foi n'est pas seulement une parole prononcée. La foi, ce ne sont pas que des prétentions. Chacun peut prétendre, mais les œuvres viennent approuver la réalité même de ces prétentions. Est-ce que ce sont des prétentions réelles ou des prétentions en vain? La personne dit des choses qui sont tout le contraire de sa réalité. Qu'Allah nous préserve d'avoir ce genre de comportement. Et Allah nous l'interdit. Comme Allah nous dit dans le Coran, « Ya ayyuha alladhina amanu, lima taquluna ma la taf'aloun, kabura maqtan inda Allah, an taqulu ma la taf'aloun. » Dans le sens du verset, « Oh vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?» Donc la foi, elle est dans le cœur, la base, et les œuvres viennent le prouver. Et chez Ahl-Sunna wal-Jama'a, lorsqu'ils définissent la foi, ils disent « Al-Iman qawlun bil-lisan, wa amalun bil-jawarih, wa a'tiqadun bil-qalb. » Donc la foi, c'est une parole formulée, prononcée par la langue, des œuvres accomplies par les membres du corps et une conviction, une croyance qu'il y a dans le cœur. C'est tout cela qui englobe le terme la foi. Et Allah tabaraka wa ta'ala a repris les juifs et en les reprenant, en les réprimandant, c'est pour nous mettre en garde de ne pas tomber dans cette chose sur laquelle, dans laquelle ils sont tombés. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala leur dit أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Allez-vous ordonner aux gens de faire le bien? Tu demandes à autrui d'agir en bien. tout en vous oubliant vous-même, vous oubliez vos propres personnes. Vous pensez que vous n'êtes pas concerné par ce bien qui est demandé. Donc, vous osez le demander aux autres, alors que vous oubliez vos propres personnes, tout en le sachant, et vous lisez le livre. Un bon croyant, c'est tout le contraire de l'hypocrite. L'hypocrite qui est pire que le mécréant clair. C'est grave, la mécréance claire. Mais l'hypocrite est encore plus grave dans l'au-delà. Dans la vie d'ici-bas, il est considéré comme musulman parce que nous, en tant que créatures, on est limités. Et on ne peut prendre des gens que ce qu'ils nous font apparaître. On ne connaît pas leur intérieur. On ne connaît pas leurs intentions. Donc on prend les gens comme ils nous viennent. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, rien ne lui échappe. L'apparent pour lui, subhanahu wa ta'ala, est comme le caché. Ce que montrent les gens ou ce qu'ils cachent est pareil pour Allah Azza wa Jal. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Donc la personne, elle peut faire voir ce qu'elle veut, mais auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah sait la réalité de chacun. Là, on parle de l'hypocrisie majeure. Celle qui fait que la personne n'est pas croyant, il est seulement musulman. Comme certains parmi les bédouins, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus formuler, dire devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils étaient croyants. Et Allah révèle le Coran. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Al-A'rab, c'est les bédouins, les gens qui vivent dans le désert, dans la campagne, qui ne sont pas citadins, qui ne sont pas dans la ville. Il y en avait certains qui la foi n'avait pas encore bien atteint le cœur. Donc ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire qu'ils étaient croyants, pour témoigner de leur croyance. Et Allah a révélé dans le sens du verset, les bédouins ont dit nous avons cru, dis-leur vous n'avez pas cru, mais dites seulement que vous êtes soumis. Et la foi n'est toujours pas entrée dans votre cœur. Il y a une sourate qui s'intitule Al-Munafiqoun, les hypocrites. إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ. Les hypocrites, lorsqu'ils viennent à toi, ils disent nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Allah sait que tu es son messager. Et Allah témoigne que les hypocrites sont en réalité des menteurs. Et Allah nous dit dans le Coran, إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. Les hypocrites sont dans le plus bas degré du feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc un bon musulman, c'est quelqu'un qui fait en sorte que son intérieur est meilleur que son extérieur. Ils vont de pair. L'islam, c'est des enseignements, une éducation intérieure et aussi extérieure. Pas comme certains qui disent, par exemple, la foi, c'est dans le cœur. L'islam, c'est dans le cœur. Quoi qu'il fait apparaître, c'est pas grave. L'essentiel, c'est ce qui est dans le cœur. Si le cœur, il était bon réellement, ça se verrait dans l'extérieur de la personne. Parce que ça va ensemble. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Ala wa inna fil jasadi mudra idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. » Et sachez qu'il y a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et sachez qu'il y a dans le corps, à l'intérieur du corps, un morceau de chair. S'il est bon, c'est tout le corps qui est bon. Et s'il est mauvais, c'est tout le corps qui est mauvais. Et c'est le cœur. Donc si le cœur, il est bon, ça va se voir dans les paroles et dans les actes. Et si les paroles et les actes sont mauvais, c'est que de base, à l'intérieur, ça ne va pas. طيب. كما أنه دليل على صدق الإيمان وكرم النفس وحسن الوفاء. C'est un signe, une preuve, la bonté envers les parents, de la véracité, de la foi, de la bonté de l'âme de la personne et aussi la bonne reconnaissance. La bonne reconnaissance. وبر الوالدين من محاسن الشريعة الإسلامية. La bonté envers les parents fait partie des aspects, des beaux aspects apparents de la législation islamique. ذلك أنه اعتراف بالجميل وحفظ للفضل وعنوان على كمال الشريعة وإحاطتها بكافة الحقوق. Car c'est une reconnaissance du bien, c'est-à-dire le bien qu'on t'a fait, tout le bien que les parents t'ont fait lorsque tu étais petit, et ta bonté envers eux est une forme de reconnaissance, une forme de remerciement. Tu n'oublies pas ce qu'ont fait les parents pour toi. Et c'est un moyen aussi de préserver le mérite et un signe du côté parfait de la législation islamique et comme quoi l'islam a englobé tous les domaines. Il n'y a pas un sujet sur lequel l'islam ne nous donne pas des enseignements là-dessus. Et l'islam a accordé tous les droits aux ayants droit. فَبِرِضَ الْوَالِدَيْنِ تَحْلُ الْحَيَاةِ. Lorsque tu gagnes la satisfaction et l'agrément des parents, ta vie, elle devient bonne. Tu vas vivre une bonne vie. قال عليه الصلاة والسلام رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما رواه الترمذي وحسنه الألباني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la satisfaction du Seigneur est dans la satisfaction des parents et sa colère dans la colère des parents. Rapporté par al-Tirmidhi et rendu bon par al-Albani. وكما أعطوك حقك في ضعفك فلا تضيع حقهما في ضعفهما. De même qu'ils t'ont donné ton droit lorsque tu étais faible, lorsque tu étais incapable. Un bébé, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Il ne peut repousser aucun mal. Il ne peut même pas s'amener un bien. Il ne peut même pas manger tout seul. Il tombe malade, qu'est-ce qu'il peut faire? Si ce n'est que les parents sont là pour s'occuper de lui et pour veiller sur lui. Personne ne le fait à part les parents. Personne ne le fait de la manière que le font les parents. Les parents le font sans se plaindre. Les parents le font avec joie. C'est un devoir pour eux. Ils sont prêts à dépenser tout ce qu'ils ont pour leur enfant. Donc n'oublie pas tous ces moments-là lorsque eux, à leur tour, ils atteignent un certain âge et ils deviennent faibles et ils sont dans l'incapacité. Sois là pour eux dans ces moments-là. Ne l'oublie pas. قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah il soit-il dit dans le sens du verset et dit: ô mon Seigneur, sois clément, miséricordieux envers eux comme ils m'ont éduqué étant enfant, étant petit. إن الواجب على كل مسلم ومسلمة بر الوالدين والإحسان إليهما والرفق بهما والأدب معهما في القول والعمل. C'est un devoir, une obligation pour tout musulman, pour toute musulmane, d'être bon envers les parents, d'être bienfaisant envers eux, de faire preuve de douceur et de tendresse avec eux, d'avoir un bon comportement lorsque tu es près d'eux, que ce soit dans la parole ou dans l'acte. ومن ذلك أن ينفق عليهما إذا كانا فقيرين وهو يستطيع النفقة. Entre dedans que lorsque ses parents sont dans le besoin, lorsque ses parents sont nécessiteux, lorsque ses parents sont pauvres, et que lui, il en a la capacité, il en a les moyens, il doit dépenser pour eux. C'est un devoir, une obligation. Il se doit de dépenser pour eux. Et c'est pour cela que les ulama nous expliquent que, par exemple, pour la zakat, c'est une aumône légale. Un des piliers de l'islam. Celui qui entre dans les conditions, il se doit de s'en acquitter une fois par an. Et la donner aux ayants droit. Il y a un verset coranique qui nous parle des ayants droit. C'est ce qu'on appelle les 8 catégories de personnes. Et ça commence par les pauvres et les nécessiteux. Mais le ulama nous explique que si entre dans une des 8 catégories des proches parents, des membres de la famille, ils sont prioritaires. Et en agissant ainsi, tu t'acquittes de ton devoir et tu préserves les liens de parenté. Mais il précise aussi qu'il est interdit de la donner, la zakat, à l'ascendance et à la descendance. Ce qu'on appelle en arabe al-usul ou al-furu'. L'ascendance, c'est la parenté. Les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, on ne leur donne pas la zakat. Et la descendance, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, on ne leur donne pas la zakat. Pourquoi ? Parce que l'ascendance et la descendance, s'ils sont dans le besoin, c'est un devoir, une obligation de leur subvenir et de leur venir en aide. Et en leur donnant la zakat, c'est comme si tu voulais échapper de la règle de la zakat. Au lieu de donner la zakat à un ayant droit et t'occuper de ton parent, tu lui donnes la zakat, tu dis en même temps je me suis occupé de lui. Non, parce que là c'est un devoir. Tu n'as pas le droit de donner zakat à ceux qui sont à ta charge, ceux dont tu es obligé de dépenser. Et en plus de cela, il n'y a plus de la bénédiction là-dedans. Tu vas gagner combien auprès d'Allah Azza wa Jal ? Tu agis comme un, c'est un devoir que tu fais, tu le fais avec une bonne intention. Combien de récompenses tu as auprès d'Allah ? Combien de bénédictions tu vas gagner, même dans ta vie future et dans ta vie de tous les jours ? Et imagine-toi que tes parents te font des du'as. Ils invoquent Allah, la du'a des parents est exaucée. Ils font des du'as pour toi. Et quelle personne va te faire une du'a avec une intention et une sincérité et une véracité plus forte que tes propres parents ? Qui te veut du bien parmi les créatures plus que tes propres parents ? Alors imagine-toi combien tu es gagnant là-dessus. وَمِنْ ذَلِكَ مُخَاطَبَتُهُمَا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بِالْكَلَامِ الطَّيِّبِ وَالْأُسْلُوبِ الْحَسَنِ وَخَفْضِ الصَّوْتِ وَعَدَمِ رَفْعِ الصَّوْتِ عَلَيْهِمَا. Entre dedans aussi de bien parler avec ses parents. Ce n'est pas n'importe qui tu as en face de toi. Ce sont ceux qui sont la cause de ton existence. Allah tabaraka wa ta'ala en a fait la cause de ton existence. Et Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné des droits. Et lorsqu'on parle des parents, que dire lorsque des parents, ce sont des bons musulmans, des bons croyants, des gens pieux, encore plus. Mais tous les parents ont le droit à ce respect. Même s'ils sont loin de la religion ou de la pratique religieuse, même s'ils sont mécréants, même s'ils sont polythéistes, qui est le pire des crimes et le pire des péchés. Il n'y a pas de péché plus grand que le polythéisme, d'associer à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais toi en tant qu'enfant, ce sont tes parents, tu te dois de bien te comporter avec eux. Et si tu leur veux vraiment du bien, tu feras des du'as à Allah pour qu'il les guide à l'islam, qu'il les guide au droit chemin, pour qu'ils soient sauvés dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Tu leur fais des invocations et tu essaies de leur ramener la chose et cette invitation de la meilleure manière. Il t'est demandé de le faire avec d'autres personnes, encore plus avec tes parents. Allah tabaraka wa ta'ala nous donne l'exemple de quelqu'un dont les parents s'efforcent de le rendre polythéiste, de le rendre le plus grand des criminels, de le rendre le plus grand des pécheurs, de le rendre celui qui va tomber dans le péché qu'Allah ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran: Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa. S'ils viennent tes parents, ils s'efforcent. Ce ne sont pas seulement que des simples polythéistes, non. En plus de cela, ils veulent et ils s'efforcent, ils prennent tous les moyens qu'ils ont pour faire de toi un polythéiste. S'ils te forcent à devenir polythéiste, à associer à Allah ce dont tu n'as pas connaissance, alors ne leur obéis pas. Voilà ce qui t'est demandé. Tu n'obéis pas à cette chose-là parce qu'ils t'ont demandé de faire quelque chose d'interdit. Tu ne le fais pas. Mais après, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala ? Et accompagne-les de la bonne manière dans cette vie d'ici-bas. Sois bon envers eux, bienfaisant envers eux dans cette vie d'ici-bas. Voilà ce qui t'est demandé. Lui, il aura ses comptes à rendre, mais toi aussi, tu auras tes comptes à rendre. Et toi, il t'est demandé d'être bon envers les parents. Et combien de gens négligent cela ? Et en plus, il parle de l'islam. Donc, il donne une mauvaise image de l'islam. Il donne une mauvaise image de la sunna. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre. Car le respect des parents, personne ne remet ça en cause. Tout le monde est d'accord là-dessus. Subhanallah. Et l'islam est venu confirmer cela. Et reconnaître cette règle-là. Donc, quand toi tu parles, mais au même moment, tu fais tout le contraire de ce qui t'est demandé vis-à-vis de tes parents. Ils vont remettre en cause et ils vont parler en mal de ce que tu prêches. De l'islam, de la sunna au nom de laquelle tu parles. Et tu en es fautif. Et tu en es responsable. Qu'Allah nous préserve tous de tout mal. Donc, il t'est demandé de bien parler avec les parents. De parler avec eux en choisissant les meilleurs propos, les meilleures paroles, d'une manière convenable, agréable, tout en gardant la voix basse. Ils sont au-dessus de toi, les parents. Ils sont au-dessus de toi. C'est toi qui leur dois obéissance et tu leur dois reconnaissance et tu leur dois de te comporter convenablement face à eux. Donc, eux peuvent se permettre de lever la voix. Toi, tu baisses la voix. Tu as la voix la plus basse lorsque tu parles avec eux. Tu as envie de dire quelque chose qui est correct, de bien, tu peux le dire. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de parler fort. Surtout devant les parents. Tu le parles d'une bonne manière à voix basse. Tu ne lèves pas la voix sur leur voix. Man arad al falaha wa sadad fi dunya wal akhira wa nayli a'la darajat fil jinan bi idhnillahi tabaraka wa ta'ala fa'alayhi ba'da ta'atillahi wal imtithali li awamirihi wal wuquf 'inda hududihi wa nawahihi bi birri al walidayn wal ihsan ilayhima. Celui, la personne qui veut gagner la félicité, le bonheur, la réussite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et aussi atteindre les hauts degrés, les plus hauts degrés des jardins du paradis par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, après l'obéissance due à Allah et d'avoir appliqué les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, s'est arrêté et stoppé devant les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala et ses interdits, il est bon, bienfaisant envers ses parents. قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Allah nous dit dans ces versets, dans le sens des versets, et nous avons enjoint, ordonné à la personne, à l'humain, d'être bon, de faire preuve de bonté, de bienfaisance envers ses parents. Sa maman, sa mère l'a porté et elle l'a mis au monde avec difficulté. La grossesse, elle a souffert avec la grossesse. Et plus elle avance cette grossesse, et plus c'est dur pour elle. Et sa santé, elle en prend un coup. Et au moment de l'accouchement, c'est un moment très douloureux et très difficile qu'elle subit, cette femme qui va te mettre au monde. Donc tout cela s'est passé douleur sur douleur. Et la grossesse et le sevrage se fait durant 30 mois. Durant 30 mois. De là, les ulama disent qu'ils comptent le minimum de grossesse 6 mois. Et il y a les 2 ans qui sont les 2 ans de l'allaitement. Jusqu'à qu'il ait atteint l'âge de la pleine maturité et qu'il ait atteint 40 ans. C'est le sommet dans la maturité, dans la force. C'est comme si on grimpe une montagne. Tu montes et tu vas. Et 40 ans, tu es au sommet. Après les 40 ans, c'est une descente. Et chacun, comment elle est, sa descente. Après les 40 ans, tu as atteint le sommet de ta force, de ta puissance, de tout. Après 40 ans, ça y est, on commence à descendre. Et qu'il a atteint les 40 ans, là il dit, « Oh mon Seigneur, permets-moi d'être reconnaissant envers toi pour le bienfait que tu m'as donné et d'être aussi reconnaissant envers mes parents. Et que j'agisse en bien, que j'accomplis des bonnes œuvres qui te plaisent et fais que ma descendance et mes enfants soient bons, soient vertueux, car je me repens à toi. Je reviens à toi avec le repentir et je suis du nombre des soumis des musulmans. » وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah nous dit aussi dans le sens du verset, et ton Seigneur a ordonné, a décrété que vous ne devez adorer que lui seul et d'être bon envers les parents. Et si les deux parents viennent à atteindre la vieillesse, un âge avancé, les deux ou l'un d'entre eux, certains, ils ont encore leurs deux parents, d'autres n'ont encore qu'un seul parent. Donc, que tu aies les deux près de toi ou un seul près de toi et qu'ils ont atteint un âge avancé, qu'ils se font vieux et sont affaiblis par cet âge, ne leur dis pas ouf. Ouf, qu'aujourd'hui, la plupart vont dire, c'est rien. Parce que les gens, c'est eux-mêmes qui jugent les choses. Comme les propos, les paroles, comme blesser quelqu'un. Il va blesser quelqu'un, il va dire, c'est pas grave, c'est rien. Mais non, auprès, chez nous, c'est rien. Mais auprès d'Allah, c'est comment? Quel est le poids de cette chose auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala? Tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Auprès d'Allah, vous le voyez minime, insignifiant. Auprès de vous, en votre sein, vous le voyez insignifiant. Alors qu'auprès d'Allah, il est grandiose, il est énorme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'homme qui prononce des mots qui vont avoir des mauvaises conséquences pour lui. Inna ahadakum la yatakallamu bil kalima la yulqi biha balan tulqi bihi fi nar jahannam 70 kharifa. L'un d'entre vous vient à formuler une parole, à dire un mot auquel il ne prête pas attention. Il le fera tomber dans le feu de l'enfer pendant 70 ans. Ce mot-là. Pendant 70 ans. Donc, faites attention. Donc, ouf. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit de ne pas dire ouf aux parents. Et alors, si ouf, on n'a pas à le dire. Et c'est par rapport à tout ce qui se dit et tout ce qui se fait, c'est la moindre chose. Alors, parler mal, dire des grossièretés, des insultes, ou leur faire du mal avec la main, c'est encore pire. qu'Allah nous préserve de tout mal. Et ne leur dites pas ouf. Et ne soyez pas durs envers eux. Ne parlez pas mal, n'élevez pas la voix, mais plutôt parlez-leur d'une parole qui est bonne, une parole acceptable. Et aussi, par miséricorde, faites preuve d'humilité face à eux. Soyez humbles. Humbles devant les parents. Et dites, ô mon Seigneur, ô notre Seigneur, sois clément envers nos parents, sois miséricordieux envers eux, comme ils nous ont élevés, éduqués lorsqu'on était petits. Inna l'islam naha an uquqil walidain wa haddhara minhu ash-shadd tahdhir fa huwa kabiratun min al-kaba'ir wa huwa qarinun lish-shirk. L'islam a interdit le mauvais comportement, la désobéissance envers les parents. Il a mis en garde contre cela de la manière la plus forte et l'a considéré comme un grand péché parmi les péchés majeurs. Et il est lié au polythéisme. La bienfaisance, la bonté envers les parents est liée au monothéisme. Et la désobéissance, le mauvais comportement envers les parents est lié au polythéisme. فعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري d'après عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: les péchés majeurs, les grands péchés sont d'associer à Allah le polythéisme, de désobéir, être mauvais envers ses parents, de tuer, d'assassiner quelqu'un et aussi de jurer par mensonge, mensongèrement. Al-Yamin al-Ramous, c'est quelqu'un qui jure dans un témoignage mensongèrement. Et son témoignage va avoir un impact sur le jugement. Est-ce que telle terre, elle appartient à telle personne? Est-ce que telle maison, elle appartient à un tel? Est-ce que tel objet, elle appartient à un tel? Est-ce que c'est lui qui dit vrai ou c'est lui qui dit faux? Et toi, tu viens et tu témoignes et tu jures sur Allah que c'est lui qui a raison, que ceci appartient à lui. Et ton témoignage a fait qu'on l'a donné à cette personne. On t'a cru alors que tu as été menteur dans cela. On l'appelle celui-là Al-Yamin. Al-Yamin, c'est le fait de jurer. Al-Yamin al-Ramous. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce que cette action-là, elle va tremper la personne dans le feu de l'enfer. يَنَّهَا تَغْمِسُ صَاحِبَهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Donc, après l'ishrak, après le polythéisme, le prophète s'en a cité quoi? La désobéissance, le mauvais comportement envers les parents. Et le hadith est rapporté par البخاري ومن مظاهر وصور العقوق ما يلي. Parmi les mauvaises actions qui font partie de la désobéissance et du manque de respect envers les parents, parmi ce qui apparaît, parmi les exemples qu'on retrouve, إبكاء الوالدين وتحزينهما, de faire pleurer ses parents. Tu es la cause pour laquelle tes parents se mettent à pleurer et de les attrister. Tu leur amènes la tristesse. Combien de jeunes le font ça? Les parents sont tranquilles à la maison, on les appelle, ton enfant il a fait ça, ton enfant il lui est arrivé ça, voilà. Pourquoi? Parce que quand on dit enfant, même les adultes qui ont encore leurs parents, ce sont les enfants de leurs parents. Même quelqu'un, il a 50 ans, il a encore ses parents vivants, c'est un enfant par rapport à eux. C'est leur enfant. Et les jeunes, même s'ils sont adultes, ils ont 20 ans, 25 ans, c'est des enfants par rapport à leurs parents. Ne croyez pas que les paroles concernent que les enfants de moins de 10 ans. Ça concerne tout le monde. D'attrister ses parents, de leur ramener de la tristesse ou de les faire pleurer. ونهرهما وزجرهما, de crier, lever la voie sur eux. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ Qu'Allah nous préserve de ces mauvais comportements. التَأَفُّف وَالْتَدَجُّر مِنْ أَوَامِلِهِمَا التَأَفُّف, c'est le fait de dire ouf. De ne pas être content et d'être insatisfait des ordres qu'il te demande. Subhanallah, il n'est pas content. Il ne veut pas que ses parents lui demandent quoi que ce soit. Il veut qu'il le laisse tranquille, comme certains disent. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ Mais lorsque c'est leur copain, ou pour les filles, leur copine, ou c'est quelqu'un de bien aimé auprès d'eux, là ils sont prêts à se mettre à quatre pattes pour lui. Subhanallah. Là ils sont prêts à tout faire pour lui. Et quand c'est tes propres parents, là t'es pas content. Non, tu ne veux pas. Les ulama nous disent que si tu es en prière, surérogatoire, salat nafila, et que ton père ou ta mère, elle t'appelle, tu arrêtes la prière et tu vas les voir. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Nafila, c'est pas un fard. Un fard, tu peux pas. Mais nafila, tu arrêtes ta prière et tu vas les voir. Subhanallah. Ça, c'est le bon comportement. Pourquoi ils ont dit ? Parce que la prière nafila, c'est seulement sunnah, c'est pas une obligation. Mais d'obéir et de répondre à ses parents, c'est une obligation. C'est un wajib. Et parmi les exemples de ça, il y a le hadith de Jouraïch. C'était un homme parmi les enfants d'Israël avant, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte son histoire. Et Jouraïch, c'est un homme dont on en donne l'exemple dans la piété et l'adoration. Un homme qui est en plein dans l'adoration, enfermé dans son monastère. Dans son monastère, il ne fait que l'adoration. Que dans l'adoration. Un moine dans son monastère. Un jour, sa mère est venue. Elle l'a appelé. Jouraïch, Jouraïch, elle l'interpelle. Jouraïch, il est dans sa prière. Prière nafila, surgatoire. Et il disait au fond de lui, ma mère ou ma prière ? Il a dit ma prière. Il a continué sa prière, sa mère, elle est partie. Une autre fois, elle est revenue. Elle l'a appelé. Jouraïch, Jouraïch. Il a dit, oh Allah, ma prière ou ma mère ? Il a dit ma prière. Elle est revenue une autre fois. Et il a continué à agir de la même sorte. Là, sa mère, prise de colère, elle a fait une dua contre lui. Elle dit, oh Allah, ne le reprends pas. C'est-à-dire qu'il ne meurt pas tant qu'il n'a pas eu, dans le sens de la phrase, tant qu'il n'a pas eu de problème avec une prostituée. Tant qu'il n'a pas eu de problème avec une prostituée. Jusqu'à qu'il voit le visage des prostituées. Et il y avait... fait Bani Israël, une femme prostituée qui était très belle. Très belle. Et combien d'hommes auraient voulu l'approcher ? Et un jour, elle a entendu des hommes parler de Jouraïch et de son adoration. C'est un exemple dans l'adoration. Et elle leur a dit, c'est un homme comme tout le monde. Vous allez voir, si je vais, je rentre dans son monastère, je vais le détourner de son adoration. Je vais lui mettre une fitna, un trouble. Et il va être détourné. Et il tombera dans le péché. Et elle est partie. Elle est rentrée. Et elle a voulu le détourner. Mais lui, il était sincère dans son adoration. Il n'avait pas d'attirance pour elle. Donc elle est repartie bredouille. Elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Elle voit un homme passer. Et elle lui a demandé de coucher avec elle. Et elle en est tombée enceinte. Plus tard, on lui a dit... mais d'où tu as eu cet enfant ? Elle a dit, ben de Jouraïch. Vous vous rappelez quand je suis parti dans son monastère ? C'est de lui que je l'ai eu. Ah d'accord, c'est un hypocrite. C'est lui qui fait l'adoration, il fait ces choses-là. Donc ils ont brûlé son monastère. Et ils lui ont dit, on va te condamner. On va te condamner. Et là, il leur a demandé de lui laisser un laps de temps. Et il est venu, il a posé son doigt sur le ventre du bébé. Il lui a dit, oh enfant, qui est ton père ? C'est un miracle. Allah tabaraka ta'ala va faire parler le bébé. Le bébé va dire, c'est un tel. Il va citer c'est qui son père. Et là, ils vont tous lui demander pardon. Ils vont lui dire, on va reconstruire ton monastère en or. Il va leur dire, non, vous le reconstruisez comme il était, dans l'éternité. Donc, il a subi quoi ? La dua de sa maman. La dua de sa maman, et il a vécu ce problème-là. Subhanallah. Donc, D'où la gravité. Et c'est pour cela aussi un conseil, les parents, même lorsqu'ils sont en colère, il leur est demandé de faire des bons doigts à leurs enfants. Ne faites pas des doigts durs envers vos enfants, d'insultes ou de malédictions. Après, parce que si les anges ils disent « Amin, Yallah exauce votre demande », votre enfant il va subir ce que vous avez voulu. Même si au fond vous ne voulez pas. Mais dans la colère, dites plutôt « Aslahak Allah, qu'Allah te réforme, qu'Allah se fasse de toi quelqu'un de bien ». Faites des bons doigts. Parce que les parents, leurs doigts, elles sont exaucées. Et parfois, pris de colère, des gens disent des choses qu'il ne faut pas. Et après, il y en a là, la conséquence. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Tayyib. Al-Abous wa taqtibu al-jabin amamahuma. De mal regarder ses parents avec un regard froid, un regard dur. Montrer son mécontentement de par son regard. Ça, c'est parmi les mauvais comportements. C'est nombreux, ça. On ne le compte même plus. An-nazar ilayhima shadharan. Aussi, le mauvais regard, un regard dur envers eux. Al-amru alayhima. De leur donner des ordres. De leur donner aux parents. Mais ça, c'est répandu aussi. Mais parce que les gens, il y en a, ils ne prêtent pas attention. L'enfant, il rentre, il est comme un prince ou un roi. Maman, ramène-moi à manger. C'est quoi ça? C'est un ordre. Elle est à ton service. Lui, il rentre à l'heure qu'il veut. Eux, ils ont posé le repas à l'heure qu'il faut. Ils ont maintenant. C'est une gravité. Même les moments, les peu de moments qu'on peut se réunir, on ne les retrouve plus. N'est-ce pas? On ne les retrouve plus. Les parents, ils sont des fois que le papa et la maman en train de manger. Les enfants, ils n'en veulent pas. Les enfants, ils mangent dehors. C'est la nouvelle, les modes de cette époque. Ça mange dehors tout le temps. Pas une seule fois comme ça, non, tout le temps. Donc, ils ne veulent pas. La maman, elle fait une gamila, la gamelle. Après, Allahu musta'an, ça va à la poubelle. Pourquoi? Parce que. Et puis, les circonstances, c'est quoi? Quand la gamelle, elle est pleine, les enfants, ils n'en veulent pas. Mais quand il n'y a rien, ils disent, vous n'avez rien laissé? Subhanallah. Et c'est combien? Regarde, chacun réfléchit. Combien de fois ça arrive? Le contraire, l'opposé, de faire du mal aux parents. Ça fait du mal aux parents. Subhanallah. Il ne veut pas acheter le pain, mais pendant le repas, s'il n'y a pas le pain, il va dire, il n'y a pas de pain. Mais lui, il ne voulait pas l'acheter. Subhanallah. Ses parents le réveillent pour aller au marché, pour aller faire les courses, il n'a pas envie. Il dit qu'il a mal, il a mal dormi, je ne sais quoi. Son téléphone sonne, l'interphone, il sonne, c'est son copain, il court. Il n'a plus de mal, il n'a plus rien, il est plus fatigué. Subhanallah. Mais ça, c'est combien? C'est des exemples. Que des gens voient peut-être minimes, mais en vérité, c'est très grave. C'est très grave. Si ce n'était que les parents, ils ont cet amour de leurs enfants, et cet attachement pour leurs enfants, ils ne resteraient pas ensemble. Subhanallah. Mais il y a qui pour patienter devant ces enfants-là? C'est les parents. Regardez le bienfait des parents. Même avec tout ça, ils patientent avec leurs enfants. Et ils espèrent tout le temps qu'à un moment donné, cet enfant sera guidé et qu'il va être quelqu'un de bien. Ils ne désespèrent pas les parents pour leurs enfants. Les gens peuvent désespérer, mais les parents, ils restent. Même l'enfant, il a 40 ans, il a 50 ans, ils y croient toujours qu'à un moment ou l'autre, il va, subhanallah. On ne peut pas remplacer les parents. Et regardez dans le hadith de Jibril alayhi salam. Dans le hadith de Jibril alayhi salam. Vous connaissez le long hadith qui est dans Sahih Muslim où Jibril il vient en forme humaine, il pose des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam, sur la foi, sur l'ihsan. Puis il lui demande sur l'heure. Puis il lui demande sur les signes de l'heure. Fakhbirni an amaratiha. Informe-moi sur les signes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui donner certains parmi les petits signes de l'heure. Et le premier qu'il lui cite, c'est lequel? Antalid al-amatu rabbataha. Lorsque la femme va mettre au monde sa propre maîtresse. Et parmi les explications des ulama sur ce passage-là, ils disent, ceci est un signe prophétique. Comme quoi viendront des époques où les enfants seront désobéissants et mauvais avec leurs parents, de sorte qu'ils en arrivent même à leur donner des ordres. Et les parents deviennent comme des esclaves face à leurs enfants, au service de leurs enfants, au service de leurs enfants. Wal'iyadu billah. On est loin des exemples. Les prophètes sont le sommet de l'exemple. As-salaf as-salih, les sahab, at-tabi'in. C'est une sommité dedans. Mais même dans nos époques, des fois, on a des exemples. Et qu'Allah nous pardonne notre négligence et nos manquements. Un cheikh originaire du Mali, qui était un grand savant de Médine, le muhaddith de Médine à son époque, il est mort il y a près de 25 ans, 24-25 ans de cela. C'est Cheikh Hamad ibn Muhammad al-Ansari, rahimahullahu ta'ala. Cheikh Hamad al-Ansari, il dit à certains de ses élèves, qui maintenant sont des chiour et des ulama, et qui eux racontent qu'un jour, Cheikh Hamad al-Ansari a demandé à l'un d'entre eux, « Dis-moi, comment vous considérez le bon comportement envers les parents ?» Et donc ce cheikh-là qui était à ce moment-là, c'était un talib, il lui dit, quand on rentre, on les salue, avant de sortir aussi, des choses comme ça. Il lui a dit, chez nous, le bon respect envers les parents, c'est que depuis que j'ai ma raison, jamais je n'ai laissé ma mère faire une quelconque tâche. Soit c'est moi qui lui fais, ou soit je lui ramène qui le fait. C'est fort, hein? C'est assez fort. Des fois, on ne peut pas atteindre cette... Mais quand même, ça montre un peu... Regardez. Et c'est quelqu'un qui est mort il y a à peu près 25 ans. Cheikh Hamad al-Ansar, alayhi rahmatullah. Il dit, depuis que j'ai la raison, jamais je n'ai laissé ma mère s'occuper d'une tâche. Les gens, lorsqu'ils ont de la bénédiction dans la vie, c'est... ça ne vient pas comme ça, subhanallah. Et regardez même dans nos pays, au bled. Algérie, Maroc, Tunisie, Maghreb. Ils ont des paroles qui disent les gens de la masse. Elles sont réelles. Et elles sont tirées de la religion. Lorsque quelqu'un, tout réussit pour lui, ça se passe bien. Tout ce qu'il fait, mashallah, ça se passe très bien pour lui. Et les gens connaissent son vécu. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « Hada mardi al-walidain ». Celui-là, c'est quelqu'un dont les parents étaient satisfaits de lui. Quelqu'un qui était bon envers ses parents et ses parents. Donc il a gagné les doigts de ses parents. Et cette bonté qu'il a avec ses parents, Allah lui facilite dans ses affaires d'ici-bas. Et dans le cas contraire, quelqu'un que tout ne lui réussit pas, et tout échoue pour lui, ils disent quoi ? Ils disent « Hadak masrout al-walidain ». C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui il est sous la colère de ses parents. Il est sous la colère de ses parents. Et on a vu dans le hadith, « Rida al-rabbi fi rida al-walidain, wa sakhatuhu fi sakhatihima ». Donc il faut faire l'effort de gagner l'agrément et la satisfaction des parents. Et de s'éloigner, de s'écarter de tout ce qui amène la colère des parents. Qu'Allah nous facilite à tous. Naam. Thumma, intiqad al-ta'am alladhi ta'udduhu al-walida. De critiquer le repas préparé par la maman. Ça, c'est un mauvais comportement. De critiquer le repas que la maman a préparé. Ta propre mère, elle s'efforce de faire le repas et toi, ce que tu trouves à faire, c'est de critiquer. Ne critique pas. Déjà de base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais critiqué un plat. Soit il en voulait, il mangeait, il n'en voulait pas, il se retenait de le manger. Mais il laissait les autres manger. Ce que toi tu aimes, d'autres peut-être ne l'aiment pas. Et ce que toi tu n'aimes pas, peut-être que d'autres aiment. Tu n'as pas à faire cela. Que dire lorsque celui qui a préparé le repas, c'est ta propre maman. Subhanallah. Tarku musa'adatihima fi 'amal al-manzil. De délaisser l'aide dans la maison, dans les tâches ménagères, de ne pas aider sa famille. Donc, un bon musulman, c'est quelqu'un qui montre sa place et qui vient en aide, surtout quand on a besoin de lui. De retourner son visage, de détourner son visage lorsqu'il te parle, tes parents. Tellement que tu n'as pas envie de leur parler, tu retournes ton visage. Tu leur donnes ton dos. Ils claquent la porte de la chambre. interdit aux parents de rentrer si c'est pas lui qui leur laisse. Wallahi, dans quel monde on vit? Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Ça, ce sont les bons comportements qu'on a dans l'islam qu'il faut prendre. Les gens de la mécréance, les adeptes de la mécréance, de la perversité, ne sont pas un modèle, ne sont pas un exemple, wal'iyadu billah, ni dans la tenue vestimentaire, ni dans les coupes de cheveux, ni dans. Ils ne sont pas un modèle. Subhanallah. Le modèle pour le musulman, c'est le messager d'Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهُ وَلْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Il vous a été donné dans le messager d'Allah un modèle à prendre et à suivre pour celui qui espère en Allah au jour dernier et qui se rappelle beaucoup d'Allah, tabaraka wa ta'ala. قِلَّةُ الْإِعْتِدَادِ بِرَأْيِهِمَا. De ne pas prêter attention à leurs opinions et à leurs avis. De les dénigrer. Ah, c'est des anciens, c'est des vieux, c'est pas... Ils ne comprennent pas, ils ne nous comprennent pas. Beaucoup pas. S'ils ne le disent pas, c'est ce qu'ils pensent. Et ils ne veulent même pas entendre parler. Mais son copain dans la rue, qui n'a pas grand-chose à lui ramener, là, il est prêt à l'écouter. Il est prêt à l'écouter alors que sa trouille lui dit n'importe quoi. Mais ses propres parents, il ne veut pas écouter. Personne ne te voudra du bien plus que tes propres parents. On ne dit pas que tout ce qu'ils disent est une vérité absolue. Mais si tu dois prêter oreille à quelqu'un pour écouter son opinion, son avis sur des choses de la vie, hein, c'est bien tes propres parents. C'est bien eux qui vont bien te diriger comme ils le peuvent, selon les moyens et capacités qu'ils ont. ترك الاستئذان حال الدخول عليهما. Bien qu'on est familier à la maison, on n'entre pas dans la chambre de ses parents comme bon nous semble. On demande la permission, on toque à la porte. Il se peut qu'il soit dans une situation où il soit pas vêtu convenablement, donc tu n'ouvres pas la porte. Faut pas prendre les choses à la légère. À un certain âge, ça y est, les gens lorsqu'ils se voient, ils se rencontrent, ils sont vêtus. Donc, on n'entre pas dans la chambre. On toque et on demande la permission. Soit on nous la donne, ou soit on ne nous la donne pas. Alors, on passera à un autre moment. Itharatul mushkilat amamahuma. De ramener les problèmes, surtout les problèmes familiaux, les problèmes entre frères et sœurs, aux parents. Ça va leur faire du mal. Les disputes qu'il y a, les mésententes qu'il y a, de ramener ça aux parents, il ne faut pas. Parce que s'il n'y a pas une réelle nécessité, il ne faut pas leur raconter. ذَمُّ الْوَالِدَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ وَالْقَدْحُ فِيهِمَا وَالذِّكْرُ مَعَيِّبِهِمَا. De mal parler de ses parents devant les gens, ou devant des amis, ou devant qui que ce soit. On n'a pas à le faire. Ou de raconter les défauts, ou des choses mauvaises concernant les parents. شَتْمُهُمَا وَلَعْنُهُمَا إِمَّا مُبَاشَرَةً أَوْ بِالتَّسَبُّبْ فِي ذَلِكَ. D'insulter ses parents ou de les maudire, que ce soit directement ou indirectement. فَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ إِبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قِيلَ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: fait partie des péchés majeurs, des grands péchés, d'insulter, que l'homme insulte ses propres parents. Il a été dit: et est-ce qu'un homme peut en arriver à insulter ses parents? À leur époque, c'est impensable. C'est pas possible que cela arrive. Et là, alors, le prophète ensemble va leur expliquer comment ils en arrivent à insulter leurs parents. Le prophète a dit: bien sûr, un homme vient insulter le père d'une autre personne. Il est en conflit, il est en dispute avec lui et il insulte son père. Qu'est-ce qu'il fait lui en échange? Il va insulter son père. Il va insulter sa mère. Et lui, en échange, qu'est-ce qu'il va faire? Il va insulter sa mère. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc là, la personne, elle a insulté ses parents indirectement. C'est toi le fautif. Car si tu n'avais pas insulté les parents de cette personne, lui ne l'aurait pas fait. Et c'est toi qui auras la plus grande faute et le plus grand péché, parce que c'est toi l'instigateur, c'est toi le premier qui l'a fait. L'instigateur, c'est toi. Tu as poussé cette personne à agir comme toi tu as agi. Et c'est pour cela qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour pas que son nom soit insulté, il demande de ne pas insulter les divinités qui sont adorées en dehors de lui. Les statues et les idoles. T'as les mouchriquins, tu n'insultes pas ce qu'ils adorent, parce que eux, pour se venger, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont insulter Allah. Donc si toi tu n'avais pas fait cette action-là, eux ils n'auraient pas fait cela. Et quelle grave chose que d'insulter Allah. Donc des fois il y a des gens qui ont ce problème-là. Ils poussent quelqu'un à dire des choses, puis ils disent regarde ce qu'il a dit. En oubliant que c'est toi le fautif. Parce que c'est toi l'instigateur. C'est toi qui l'as amené à faire telle chose. D'où la gravité. Il faut bien réfléchir avant. Allah dit dans le Coran, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا. Et n'insultez pas ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, car par ce biais-là, c'est une manière de vengeance qu'ils vont avoir, ils vont insulter Allah. Tu les as contaminés, subhanallah. Tu les as contaminés. Et maintenant, eux, ils en sont arrivés à insulter Allah, et quel grand mal dans lequel ils sont tombés. هذه بعض المظاهر والصور لعقوق الوالدين. Voilà certains aspects et certaines situations qu'on rencontre chez certains parmi les choses qui sont concernées comme désobéissance et manque de respect envers les parents. ذلك العمل القبيح والمسلك الشائن. Ce comportement qui est mauvais et ce cheminement qui est mauvais et qui n'est pas bon. Et tout musulman se doit de s'en éloigner complètement. Un comportement qui ne convient pas à toute personne dotée de raison. Et on ne retrouve pas ce genre de comportement chez les gens qui sont animés par la piété, par la vertu et par la guidée. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.